Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafizahullah Ta'ala. Cours numéro 32. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-imam al-allama ibn Qudama rahimahullah, wa min as-sunnah as-sam' wa at-ta'ah li'a'immat al-muslimin wa umara' al-mu'minin barrihim wa fajirihim ma lam ya'muru bima'siyatillah, fa'innahu la ta'a li'ahadin fi ma'siyatillah. هذا الأصل أصل عظيم مهم مذكور في القرآن والسنة, السمع والطاعة لولي الأمر, أي écouter et obéir au gouverneur في طاعة الله. كما تعلمون أن أهل البدع ظلوا في هذا الباب, الخوارج, الروافض, المعتزلة, وما من مبتدع كما قال بعض السلف, ما ابتدع قوم إلا واستحل السيف. Une personne, si il rentre dans le bid'ah, il commence à innover, automatiquement il va sortir contre le hakim, que ça soit clair ou directement ou indirectement, bil saif ou bil lisan. Si tu étudies les firaq, les groupes égarés, tu verras ils ont tous hada. Fa al ulama yassit fi kutub al aqida هذا الباب المهم. فمن عقيدة المسلم, من عقيدة السني, السمع والطاعة لأئمة المسلمين. Il écoute et il obéit tant qu'il peut et tant que c'est pas في معصية الله. أما المعصية فلا سمع ولا طاعة. Et ça implique pas le khuruj, ça implique pas la révolution, tu te révoltes أبدا, لكن لا سمع ولا طاعة. وسيأتي معنا إن شاء الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. وابن قدامة رحمه الله يبخسيز أن كل سوى المنير دونس خليفة إلى بخيل بوفوار, que ça soit Bishoura ou ça soit Al-Amir qui l'a choisi ou ça soit il a pris de force, fa yajib ta'atuh. Qala Cheikh Al-Uthaymeen Al-Sharh, qala Al-Khilafatu mansibun kabir wa mas'uliyatu 'azima. Na'am, c'est une mas'uliyya 'azima. Ça va être une personne qui va gérer les affaires des musulmans. Le critiquer est un char azim. لأن المعاملة مع الحاكم مع ولي الأمر, c'est pas comme le معاملة avec une personne du commun. أبدا. فالأبد المسلم يكمبخون مثل هذا. قال وهي تولي تدبير أمور المسلمين بحيث يكون هو المسؤول الأول في ذلك, وهي فرض كفاية. هذا سفرد على الكفاية. Obligé qui est un أمير, c'est فرض. لكن على الكفاية, un أمير ça suffit. قال لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها. نعم, أمور الناس لا تقوم إلا بالخلافة. لا بد أن خليفة, لا بد أن أمير. أما ترك الناس فوضى, chacun fait ce qu'il veut, les gens ils respectent plus هذا الأمير, فتعلمون le شر que ça implique. وهذا معروف عند جميع الناس حتى عند الكفار, أن الأمور لا بد لها من يقوم بها. فأما أنت في entreprise, s'il n'y a pas de patron, c'est خلاص, chacun fait ce qu'il veut. لا بد, il revient à une personne, لا بد. لهذا dans les entreprises tu trouves un patron, tu trouves des chefs de service, tu trouves des chefs d'atelier, tu trouves, لا بد. أما on met au même niveau le patron et celui qui fait le ménage, خلاص, c'est l'entreprise, elle va pas faire long feu. فما بالك un pays, لا بد qu'il y a un أمير. Et là, pour que cet amir soit respecté, soit écouté. Amma, il y a un amir et personne ne l'écoute, et un problème et il se révolte. Hada, ça implique le char qu'on a vu et qu'on a entendu, Allah al-Musta'an. Qala wa وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة. الإمام ابن قدامة il a cité trois manières, trois façons pour qu'une personne devienne خليفة. قال الأول النص عليه من الخليفة السابق. Première chose, c'est que le خليفة avant lui le désigne. Il dit مثلاً après moi c'est فلان. قال كما في خلافة عمر بن الخطاب فإنها بنص من أبي بكر رضي الله عنه تقدم. أبو بكر avant de mourir il a désigné عمر. ففي هذا الحال الآن on est obligé d'écouter et obéir. لأن الأمير il a désigné son successeur. فالسلوي qu'il a désigné il devient أمير. في هذا الحال يجب السمع والطاعة. قال الثاني deuxième chose أو deuxième manière. قال اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما في خلافة عثمان رضي الله عنه فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم غير معينين كما في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على أحد الأقوال وكما في خلافة علي رضي الله عنه. دوزيام ميثود أن الأمير لا با ديزيني. مثلا le prophète alayhi salatu wassalam il a pas désigné clairement Abu Bakr lakin fi haqq Abi Bakr il y a des adilla des nusus qui montrent مثلا من الادله على ذلك ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تساله. Une femme est venue voir le prophète sallam, elle lui a demandé une chose. An-Nabi sallallahu alayhi wasallam il lui a dit reviens l'année prochaine. Fa hadhihi al-mar'a elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah, et si je te trouve pas? Aïe, si t'es plus là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, tu vas voir Abu Bakr. Ça montre, anna, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est plus là, on revient à Abu Bakr. Kadalik, as-salat. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait plus venir, il était malade. Enfin, c'est Abu Bakr qui a fait l'imam. Ça montre, anna, c'est lui qui va succéder au prophète alayhi wa sallam. Cette deuxième méthode, c'est si le khalifa ne désigne pas, maintenant Omar, il a cité l'exemple de Omar, chez Al-Udaymi. Maintenant Omar, radiyallahu an, il n'a pas dit après moi c'est Uthman. Là, Omar il a désigné Ahl al-Shura, et des gens, mina sahaba, ils se rassemblent et ils désignent. Ibn Qudama ou Cheikh Ibn Uthaymin, il les avait cités. Zubayr wa Talha wa Abd al-Rahman, Ali wa Uthman wa Sa'd. Fa'a'oula, ils désignent l'amir. Ils se sont rassemblés, ils ont choisi Uthman. Ça, c'est une méthode pour choisir le khalifa. La première, il est désigné par son prédécesseur. La deuxième, Ahlul Hal wa Al-Aqd, c'est Al-Ulama wa Al-Mas'ouloun wa Al-Uqala. Les gens qui ont un poids dans le bilal. Les savants, les responsables. Voilà, ça c'est la deuxième méthode. Aïe, ijtima, ahl al-hal ou al-aqd. Et il ne faut pas confondre, comme il y a fait un bar de dollar, cette méthode avec les élections. Abadan. Les élections sont min al-kuffar. Amma shura sont min tariqat al-salaf. Les élections, c'est tout le monde qui vote. Al-rajul ou al-mar'a. Al-safih ou al-salih. Al-alim ou al-jahl. Amma ahl al-shura, là, c'est ahl al-hal ou al-aqd. C'est les personnes qui ont du ilm. C'est les personnes, ils ont de l'expérience, Fiyad al-Bab. C'est des personnes qui sont écoutées. Maintenant, à l'époque de Uthman, 6 personnes. Faqat. Ceux qui choisissent, c'est Ahl al-Hal ou al-Aqd. On ouvre les portes à tout le monde, comme c'est le cas pour les élections. Kadalik, les élections, c'est une majorité, comme à Ta'lamoun. Les élections, c'est une majorité. Amma Ahl al-Hal ou al-Aqd, là. Ils choisissent l'aslah. Celui qui mérite le plus. Tu peux trouver Ahl al-Shura, ils sont 6. Ils désignent Foulan. Et tu trouves des milliers de personnes, ils veulent un autre. Là, c'est celui qu'ils ont désigné, c'est lui l'ami. Il y a une différence, Kabira, c'est incomparable. Et tout ça, wallahi alhamd, on l'avait détaillé dans la muhadara qu'on avait fait sur mafasid al-intikhabat, sur les élections, on avait détaillé ce point. Qala al-thalith, troisième méthode, al-qahru wal-ghalaba. كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت الخلافة له. Troisième méthode, c'est qu'il apprend de force. Il a donné l'exemple de عبد الملك ابن مروان. Ils sont sortis contre ابن الزبير. الصحابي رضي الله عنه. Ils l'ont tué. Et ils ont pris le pouvoir. خلاص. T'es obligé d'écouter et d'obéir. C'est-à-dire qu'on dit, comment l'écoute, on lui obéit. Et il a tué et il s'est révolté. Les Anna ressortir contre lui, ça fait une mafsada kabira. Matalan, il est sorti. Il y a eu des morts, là, chaque. Il y en a khourouj, les révoltes, toujours ça se fait dans le sang. Ça sert à rien de refaire une révolte. Tu vas refaire couler le sang. Et les futaines, elles vont se propager. Thomas Anta, tu vas reprendre le pouvoir. Un troisième, il va refaire une révolte. Le sunnah via del had, s'il a réussi à prendre le pouvoir, khalas. Ils lui font le bay'a, et ils l'écoutent et lui obéissent. Enfin, trois méthodes. Imman Nas. Aïe, le khalifa, le premier, il désigne son successeur. Abu Bakr, il a désigné Omar. Imma, ijtima, ahl al-hal, wal aqd, ce qu'on appelle ash-shura. La consultation. Ça n'a rien à voir, on a dit, avec les élections. L'élection, c'est min sunan al-yahoud wal-nasara. Amma shura, c'est min sunnat al-nabi wal-khulafa. C'est pas pareil. Ha'oula yajtami'oun et yidizin. Et on a dit, yajtami' ahl al-hal wal-aqd. La troisième, c'est il la prend de force. La troisième, j'ai oublié de la cité, ça ne veut pas dire qu'il appuie hadahoua. Là, les deux premières, elles sont mashrou'a. La troisième, elle est haram. Tu n'as pas le droit de sortir. Il y en a qu'à dire, on appuie à Allah. Lakin, c'est fait, c'est fait. Maintenant, nous, cette nuit, il y a eu un coup d'état. Ils ont tué le président, un autre, il a pris. Khalas. Maintenant, on se réveille, on va faire quoi? On va se révolter. Khalas, il a pris le hukm. Enfin, c'est lui l'amir. On écoute et on obéit. Lakin, est-ce que la révolte qu'il a fait, elle est mashrou'a? Abadan. Yom Qiyamah, il rendra des comptes. Lakin, nous, on fait partie du peuple. Et on a dit, Adilla min al-Qur'an wa min al-Sunnah, on n'a pas le droit de répondre à une ma'asiyya par une ma'asiyya. Et on n'a pas le droit de répondre par la fitna avec une autre fitna. Abadan. Enfin, la troisième, la tajouz, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interdit de se révolter contre le gouverneur. Lakin, ça arrive. Al-Sunnah, ce n'est pas des dubana comme Ahl al-Bida' ils pensent. Ils ont peur. Al-Sunnah, ils voient loin. Ils pensent à Dima al-Muslimi. Ils savent que tu vas te révolter, tu vas te révolter, ça va faire des milliers de morts. Andre la fitna qu'il y a eu là, dans les pays arabes. Lakin, certains nas, ils ont un takalluf ajib. Chez lui, ça va mal. Sa famille, elle va mal. Tu vois ses enfants, ils sont fihala. C'est ajib. Et au lieu de s'occuper de tout ça, il regarde. Al-Amir, il a fait Al-Amir, on doit changer. Change ton œuf, change tes enfants, change ta famille. Il est très patient avec lui, avec ses enfants. Tu viens, tu nommes ça, ya fulan. Tu te rases la barbe, il dit Allah ghafur rahim. Donc c'est l'hakim khalas, lui, il veut du iqab, il veut du nar, il veut du. Nimala, ça c'est pas min al-ab. Hakim c'est un musulman. Lakin nas ils sont hakada. Il veut la facilité avec lui et la dureté avec les autres. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Al-hakim c'est ton frère là. Hukam des pays musulmans, c'est ton frère. Je ne veux pas le kafar, il fait salati. Ça, tu dois aimer pour toi, ou tu dois aimer pour lui ce que tu aimes pour toi-même. Lakin ba'd an-nas, ils leur veulent du mal, et ça fait des fitnes. Amma al-an, on va lire aqidat al-sunnah, et vous allez voir. Vous allez voir que c'est une aqida salafiyya wadiha. Wadiha, loin des fitnes. Al-muslimoun, ils auraient appliqué, on va lire une page, faqat. Il l'aurait appliqué, il n'y aurait pas eu toutes les fitanes qu'on a vues et qu'on a entendues. Ah, Lakin, comme tu sais, ils sont manipulés par le kuffar. Kuffar, ils savent très bien. Anna, pour faire du mal aux musulmans, tu fais du mal à leur gouverneur. Thomas, ils s'entretuent entre eux. Et le kafir, c'est le spectateur. Parle sur le taïmin. Hukm, ta'atil khalifa. قال طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم خمي دليل من القرآن شوف ابن تيمين يموت أن écouter et obéir au gouverneur c'est obligatoire sauf في المعصية في المعصية لا يجوز أما الإكراه c'est autre chose أما il te force. Ça, c'est une autre masala. Amma, maintenant, ils disent, demain, tout le monde doit faire kada et se marcher. Là, un tas, tu suis là. Ad-Dalil, il a cité Adil Aya, Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah, fatta'ali lillah, wa ati'u al-Rasul, fatta'ali lil-Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Il est appuyé par le wahi, alayhi wa sallam. Wa ulil amri minkum. Vous remarquerez, pour ulat al-umur, il n'a pas dit ati'u. Dans le verset, pour ulat al-umur, c'est le gouverneur. فالله سبحانه وتعالى il a pas cité le fi'l ati'u. Vous avez remarqué, قال ati'u الله, obéissez à Allah, و ati'u الرسول, obéissez au messager, و أولي الأمر منكم, et les gouverneurs, il a pas dit obéissez. لماذا؟ لأن l'obéissance des gouverneurs elle est par rapport à l'obéissance d'Allah et du prophète عليه الصلاة والسلام. Si ça contredit le Coran ou le Sunna, il n'y a pas d'obéissance. مفهوم؟ ati'u الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أي لي غوفرنور سي il nous ordonne une chose de halal de مشروع on obéit. Si ça contredit le Coran والسنة il y a pas d'obéissance. قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المخلوق s'englobe tout le monde. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. حاكم autre ou parent ou ton cheikh ou n'importe qui, il te dit de faire une chose, ça contredit le Coran ou le Sunna, la ta'ata la. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit innama ta'a fil ma'ruf. Ta'a l'obéissance elle est fil ma'ruf. Imma une chose mubah, imma une sunna, imma une chose obligatoire. C'est ça le ma'ruf. Amma quelque chose d'interdit, la yajouz. Lakin tout ça, ça implique pas le khuruj. C'est comme les parents. Ton père il te dit maintenant va m'acheter des cigarettes. Est-ce que ça veut dire que tu vas taper ton père, tu vas là. Tu le respectes. Là, je vais pas chercher les cigarettes et on s'arrête là. S'il s'énerve, tu patientes. Il te dit une chose, tu patientes. Et après les choses petit à petit. Il y a des fois tu n'as plus de capacité, il te laisse plus le choix. Tu es forcé, ça c'est autre chose. Ah, là, ça implique pas al-khuruj. Fa il a cité sur le أدلة من السنة. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. هذا السمع والطاعة كتم ستشوف أو كتم با تم سبا المعصية لأن دي فوا صحيح سدي شوز كتم با سكت شوز دي مباح. Une chose, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est pas interdit dans notre vie. Lakin, toi, cette chose, elle te dérange. Tusbir, et tu lui obéis. Matalan, une loi par rapport à la circulation, les voitures. Tu mets pas ta voiture ici. Ça n'a rien à voir avec le halal haram, c'est une chose de dunya. Lakin, même si tu n'aimes pas cette chose, matalan, t'es pas d'accord. Même si tu n'aimes pas cette chose, tusbir et tu l'écoutes. Léna, ça ne contredit pas Dieu. Qala Ali Zodram, fima ahab, wa karih. Les choses que t'aimes ou t'aimes pas. Qala ma lam yu'mar bi ma'siyah. Donc c'est pas une ma'siyah. Ma'siyah on l'écoute pas. Qala fa idha umira bi ma'siyah fala sam' wa la ta'a. Muttafaqun alayh. Hadith Ibn Umar. Qala wa sawa kana al-imam barran. Qala wa wal qa'im bi amri Allah fi'lan wa tarka. Hadha as-salih. Al-qa'im bi amri Allah. Ay il applique la sharia. فهذا لا شك اليوبي. قال أو فاجرا قال وهو الفاسق. قال لقوله عليه صلى الله عليه وسلم إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم il a expliqué les adillah qu'on a lu auparavant. قال إلا من ولي عليه وال وال أي الولي. قال فرآه يأتي شيئا من معصية الله. Tu sais que ce gouverneur il fait de ma'asi. لكن بقي ton comportement أنت. Il y en a بعض الناس ils pensent que le sunnah ils obéissent au gouverneur, ils pensent que tu dis que le gouverneur il est bien ou c'est un salaire. Là لكن نحن il faut pas confondre ta position avec lui. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكره ما يأتي. Tu détestes ce qu'il fait. فمثلا نحن un gouverneur qui fume ou il se rase ou il boit, on déteste ce fi'l. لأن on sait que c'est une ma'asiyah. On a des preuves qui contredit la sunna, ce amir. Enfin on déteste ce qu'il fait. Ça veut pas dire on obéit le gouverneur, on est content quand il boit de l'alcool. Abadan. فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. C'est ça عقيدة السنة. Tu détestes cette chose qui fait comme معصية لكن tu te révoltes pas. Abadan. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزعن يدا من طاعة. أي tu délaisses pas son obéissance. Abadan. Tant que c'est pas une معصية. Même si c'est un fâcheur qui boit, il se rase, il ressemble au kuffar, لكن il ordonne maintenant une chose qui contredit pas la sunna, on lui obéit. On lui obéit, c'est lui l'amir. Enfin, on fait du'a qu'Allah il le guide. Ah, les aqidat al-sunna. Enfin, comprends pas من قول أهل العلم أو سقط حديث أنه لا طاعة للأمير في معصية الله أنك تسوق contre lui. لا, لأنه ما حديث أي صحيح أخرجه مسلم حديث عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكره ما يأتي من معصية ولا ينزعن يدا من طاعة. أما الطاعة فتو لي إكوت تو لي أوبي تو باسيون إس كي في كوم معصية أون ديتاس سيت شوز سي أون بو لي مونتخ أون لي مونتخ أون لي في الدعاء. أما سو ريفولتي فير دي مور ربما vous avez remarqué il y en a ils se révoltent l'amir il reste c'est l'amir qui prend le dessus des milliers de morts al-fitna des femmes qui ont été tuées enfants des vieux tout ça à la fin celui il reste amir et ceux qui ont fait la révolte ils sont en prison ou ils se font tuer allez où le va'ida allez où le maslaha lakin akhtar al-nas la ya'qiloun qala rawahu muslim qala wal-hajj wal-jihad ma'a al-a'imma ma'diyan nafidhan وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبرارا أو فجارا لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد عليهم. هذا قول العقلاء قول أهل السنة قول الرحماء إذا رحمه في غلي بب فعقيدة أهل السنة أن الحج والجهاد شو اللي فاهمك الإمام سان بر أو فاجر إسوا بيو أو سان فاسق أو في الصلاة بكم بعد الخوارج الآن يفو بي الحج والعياذ بالله في الزيج بالي فغل الحج سي دي كفار سو كي زون لي ليو سان سي دي كفار جو في بي لابا أعوذ بالله. أو يا دي خوارج تعلمون يفو بي الصلاة صلاة الجماعة يفو صلاة شلوي يدي ست إمام il obéit au gouverneur kafir, enfin lui-même c'est un kafir. Et il dit je ne peux pas faire salat de un kafir. Je fais la dhalam. Il fait salat chez lui. Ba'd al-khawarij, il ne faut plus le jumu'a. Il dit la khutba, c'est le gouverneur qui l'a envoyé. Lakin al-khawarij, comme vous savez, c'est min ajhal al-nas. Et l'illa, la cause, l'interdiction des révoltes contre les gouverneurs, c'est ce qu'il a cité Cheikh Ibn Uthaymeen. Qala li'anna mukhalafatahum fi dhalik tujibu shaqqa 'asa al-muslimin. Ay la jama'a des musulmans avec la révolte tu vas la diviser. C'est mieux qu'on est rassemblés et on a un amir, même si c'est un fasiq, qu'on se divise et on n'a plus d'amir. هذا لا يجوز شرعا تبال دروا. هذا يوم قيامة tu seras jamais demandé pourquoi ce amir c'est un fasiq. ابدا tu vas pas être demandé sur ça. Lakin si tu te révoltes, tu fais le khuruj, tu tues, tu blesses, tu fais des fitnes, يوم قيامة tu seras interrogé. Ce amir, il est à cette place, Allah, il a une fitna. Anta obéi, c'est une fitna. C'est une fitna pour toi. Obéis, patient, et inshallah, il te fera aucun mal. Ou alors, s'il prend quelque chose où il t'a fait un mal, yom qiyama, il te le rendra. Nous, on lui obéit, on lui écoute, parce qu'il y a des adillah. Badanas, il pense que t'as peur, ou t'as pas de courage, ou t'es pas capable. Badan, c'est toi qui n'as pas le courage de suivre sunnah. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القابض على دينه كالقابض على الجمر. Prophet صلى الله عليه وسلم montré à celui qui s'accroche à son din, c'est comme celui qui tient une braise dans ses mains. Enfin, il a le courage. C'est toi qui n'as pas le courage de patienter. Tellement que tu es faible, tu te révoltes. Il y en a certains gens là, ils ont inversé. Ils pensent que le courageux c'est celui qui se révolte. Abadan. Celui qui se révolte c'est le faible. Il n'arrive pas à patienter. Il a peur. C'est sa peur qui lui fait qu'il se révolte. Amma, le courageux il patiente. Il regarde le kitab sunna et il patiente. Et ta'lamoun, c'est beaucoup plus dur de patienter que le khuruj. Tu lis l'histoire de l'imam Ahmed, t'as ta'adab comment il a patienté. Bah, c'est ça, as-sab. C'est ça le dîn. قال الشيخ ابن عثيمين والحديث الذي ذكره المؤلف ثلاث من أصل الإيمان إلى آخره ضعيف كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير وفيه راوٍ قال المزي إنه مجهول قال إنه مجهول وقال المنذر في مختصر أبي داود شبه مجهول والثلاث خصال المذكورة فيه هي الكف عمن قال لا إله إلا الله والثانية الجهاد ماض لعل إلى ست الشيخ ابن عثيمين pour ce qu'il a cité, al-jihad madhi. Al-jihad, ça reste. Que ce soit avec un imam, Dieu ou un imam fajr. Fala'alla, il l'a cité. Amma ce hadith taqaddam. On a vu qu'il est daif. Hadith Anas, il est daif. Qal wa thalitha l'iman bil aqda. Tout ça, on l'a vu. Qal wa l'khuruj ala l'imam muharram. لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواع عندكم فيه من الله برهان متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يتموت توبي توكسا مسلم السمع والطاعة كسسوا في عسرك أو يسرك أو une chose que t'aimes, que t'aimes pas, que c'est facile, c'est difficile, t'es d'accord, t'es pas d'accord, t'obéis. Tant que c'est pas une ma'asiyya. قالوا أثرت علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. T'as pas le droit هذا. T'as pas le droit de نازع الأمر أهله. أي, une personne il est amir, une autre elle veut lui enlever cette place. T'as pas le droit هذا. T'as vu l'amir en passion. L'imam Ahmed, rahimahullah, il s'est fait fouetter, emprisonné. Ils ont voulu le tuer. Ibn Abi Douad, il a fait une fatwa. Tuez-le. Les trois amirs qui lui ont fait du mal, ils sont morts l'un après l'autre. Et où est-il en prison? Le premier il meurt, le deuxième il meurt, le troisième il meurt, le quatrième il est à la sunna. Il aide et il en sabre aqidat l'imam Ahmed. C'est ça le sabre, c'est ça les fruits du sabre. Qal, muttafaqun alayh. On lit le deuxième hadith, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, yakun alaykum umara, ta'rifun wa tunkirun, fama ankara faqad bari'a. Le prophète il a montré qu'il y a des umara, des gouverneurs qui vont venir et vont être injustes. Lakin anta ayyuhal muslim, tu dois prendre le conseil du prophète. Le prophète il a montré qu'il y aura des umara, ta'arif minhum wa tunkir. Il y a des choses qu'ils vont faire, c'est du munkar. Qala faman ankara faqad bari. Si tu veux anta, inshallah, tu n'as pas de responsabilité yom qiyamah, tu détestes cette chose qu'il fait. قال فقد برئ ومن كره فقد سلم قال ولكن من رضي وتابع celui qui aura des comptes à rendre au Qiyama, c'est celui qui est d'accord. لأن المنكر au minimum tu dois détester avec ton cœur. حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف إيمان. Ça c'est le minimum. On déteste cette chose avec notre cœur. أما le خروج tant que c'est un musulman لا يجوز. Dès qu'ils ont entendu ça, As-Sahaba, qui allait avoir des gouverneurs injustes, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on fait le khurouj, on les combat? Qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous ne faites pas le khurouj tant qu'ils font salat, et tant que c'est des musulmans. Qala ay man kariha bi qalbihi wa ankara bi qalbihi rawah muslim. Ça c'est l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen. Il y a un cas, c'est un kafir. C'est un kafir, il sort de l'islam, wadih. فهذا لهذا الحال يا دي كونديسيون اولا يفوك لو كفر سوا بواح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بانوت حديث قال الا ان تروا كفرا بواح كفر البواح سان كفر كلير لان بعض الناس الان يكفر certains rois certains présidents il a pas d'adilla il a pas de burhan c'est des rumeurs فلا بد ان كفر بواح si on a des doutes il n'y a pas de khuruj il y en a peut-être qu'on a mal compris peut-être qu'ils ont menti sur lui il est revenu. Enfin, t'es obligé, ce kufr, il est clair que c'est un kafr. كذلك من الشروط أن لا يكون القتال بين المسلمين. Ça, c'est un short important. Il ne faut pas que le qital soit entre les musulmans. On donne un exemple. Ce roi ou ce président, خلاص. On a des adillah, fatawa, l'ulama, c'est un kafr. L'ulama, il dit c'est un kafr. Si l'armée de ce kafr, c'est des musulmans, on n'a pas le droit de s'entretuer entre musulmans. Deuxième condition, كفر بواح la première, la deuxième, أن لا يكون القتال بين المسلمين. Il ne faut pas qu'on s'entretue entre musulmans. كذلك من الشروط يعتقدون هؤلاء أي ceux qui vont faire le khuruj من المسلمين ils sont sûrs أو ils ont un dhan rajih أنهم ils vont réussir à le faire tomber. مثلاً on dit un pays musulman ils sont 2000 musulmans. L'armée de ce kafir ils sont 2 millions. هذا الحال t'as pas la capacité. هذا الحال y a pas de khuruj. Le khuruj c'est avec le qudra et tu penses que inshallah il tombera بإذن الله عز وجل. لأن on a le quwa. On a le qudra. أي يعتقدون on a dit أو ظن راجح أنهم سينزعون هذا الحاكم. كذلك من الشروط c'est que ce amir il sera remplacé par un musulman. من الشروط c'est que le badil il est أحسن من هذا الكافر المجرم. أما المسلمون يفعلون الخروج. À la fin, celui qui prend le pouvoir, c'est un autre chrétien. Il y a eu des milliers de morts. On a enlevé un chrétien pour un autre. Allez, où la faïda? Il n'y a aucune faïda. في هذا الحال, il n'y a pas de خروج. Le fruit de ce خروج, il faut que ce soit un musulman qui prend la tête du pays. Un musulman. فهذا والله المستعان. Et inshallah, on verra en détail plus. في الوسطية, inshallah. Et tout ça, ces choses, c'est pas c'est pas toi qui les trouves, qui les cherches. Là, c'est Ahlul Ilm. Ahlul Ilm, ils savent si c'est un kufr bawa. Ils savent si, ils connaissent l'état de la communauté, s'ils ont la capacité d'enlever ce cadre. Ils connaissent qui c'est qui va prendre la place. Est-ce qu'il est salih amla? Est-ce que c'est un musulman amla? Enfin, tous ces shurut, c'est avec Ahlul Ilm. Amma les fatwas, c'est pas pour tout le monde. Abadal. Khasatan dans ces choses-là. أصلاً الآن بلاد المسلمين يسون غوفرني بعض المسلمين سيسال أصل يبقى تخروج في الحقيقة قد يقول قائل في بلاد الكفار في بلاد الكفار ترانشيتوا طغينا في غلبة طغينا في غلبة طاقوك القدرة تتوسل في بلاد الكفار تغون طنبي مسلم تسوغا غوفرني بعض مسلم أما الآن تغوفرني بعض كافر ستوا كنتي شلو أنت تسوغ تبع دون بلاد مسلم بإذن الله تسوغا غوفرني بعض حاكم مسلم في بلاد المسلمين الأصل دي غوفرنور سي دي مسلم فلا بيرسون il fait des efforts sur lui-même sur sa famille inshallah il sera à la khair. قال ومن فوائد الحديثين قال ان ترك الصلاه كفر مباح شو ما دام الان سيت une faida des deux hadith hadith عباده et hadith le deuxième qu'il a cité hadith في صحيح مسلم hadith ابن مسعود hadith عباده Le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال لا ننازع أو وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بوا T'as pas le droit de te révolter contre le gouverneur sauf s'il a fait un kufr bawa أي un kufr clair y a aucun doute Le deuxième hadith النبي sallallahu alayhi wa sallam ils lui ont demandé أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا يا رسول الله est-ce qu'on peut faire le khuruj contre ces foussas Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit là Ma sallu. Al-an, les deux hadiths, tu comprends que le fait de délaisser salat, c'est min al-kufr al-bawah. Et ça, c'est min aqwa al-adilla. Anna, celui qui délaisse salat, c'est un kafir. Et c'est le qawl al-raja. Qala shoukh mi'udaymin. Anna tark al-salat kufr al-bawah. Lianna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yujiz al-khuruj ala al-a'imma illa bi kufr al-bawah. Wa ja'ala al-mani' min qitalihim fi'ala al-salat. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Il a interdit de faire le khuruj, sauf si c'est un kafir. Le deuxième hadith, hadith ibn Mas'ud, tu peux faire le khuruj si il délaisse la salat. Ça montre que le délaissement de la salat, c'est du kufr. Lianna, tu peux pas faire le khuruj à la muslim. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré tant qu'il faut le salat. Ça montre que celui qui délaisse la salat, c'est un muslim. هذا c'est un dalil qawi via hadith ibn Mas'ud. قال وجعل المانع من قتال فعل الصلاة فدل على أن تركهم أن تركها مبيح لقتالهم وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح نعم لأن dans le deuxième hadith النبي صلى الله عليه وسلم il a autorisé à faire khuruj si il délaisse salat et dans le premier hadith le khuruj il est qu'avec un kufr là chaque si tu rassembles les hadiths tu comprends que délaisser la salat c'est du kufr bawah واضح وهذا الحديث il explique le kufr qu'on a dans l'autre hadith في الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر العلماء اختلفوا يرى ils ont dit c'est kufr akbar Il y en a, ils ont dit c'est kufr asghar. Al-rajih, c'est du kufr akbar. Léana, dans ce hadith, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kufr bawah. Fas-sahih, c'est que tariq al-salat, c'est du kufr akbar. Qala, wa qitaluhum la yubah, illa bi kufr bawah, kama fi hadith Ubada. Naktafi bi hada al-qadr. Subhanak Allahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.